toi un duo que je trouve assez fascinant et je vais vous demander donc, puisqu'il est arrivé, d'applaudir Jean-François Lavigueni. Jean-François Lavigueni et Sébastien Odenbach. Oui, je suis très heureux d'être à côté de Jean-François Lavigueni. On s'est rencontrés il y a 10 ans en Bretagne, à Tréguier, au cours d'un dîner. Je pense que vous ne vous souvenez pas. Bonjour. Et je pense qu'un des premiers films d'animation qui m'a marqué dans ma jeunesse, c'est Gwen, le livre de sable, voilà, qui est un film que je trouve extraordinaire. Et quand j'ai vu Louise en hiver avant-hier, j'ai été très frappé parce que je trouve qu'il y a des similitudes et on pourrait intégrer la Tortue Rouge aussi. C'est assez étonnant. Il y a 3 films cette année qui sont 3 films français qui parlent d'isolement, qui parlent de femmes, alors, en particulier Louise et la jeune fille sans main. Dans Louise, Louise cultive son jardin, elle doit faire pousser ses légumes, et ma jeune fille aussi doit cultiver son jardin. Louise a une petite maison qu'elle se fabrique, et ma jeune fille a une petite maison troglodyte. C'est assez étonnant, ces 3 films sur l'isolement, sur l'humain qui est au centre du monde, face à la nature. Il y a de l'eau dans les 3 films, la mer, la rivière chez moi, et... il faudrait faire une analyse de ça, je crois. Quand j'ai demandé à Jean-François de venir, je lui ai dit, il m'a dit, oh, moi, tous les chemins sont personnels, il n'y a aucune raison, je n'ai pas forcément envie d'en parler. Puis je suis encore plus content que Jean-François soit là, parce que c'est vrai que Louise en hiver est peut-être quelque chose d'un, je sais pas, un film d'une... n'aurait pas pu être fait avant. J'ai l'impression que quand tu étais venu ici en parler, il y avait l'idée aussi un peu de se libérer d'une certaine écriture obligatoire du long métrage. Il y a eu Gwen, il y a eu le Château des Singes, bien sûr, il y a eu le Blackmore, le tableau, et maintenant ce film-là. Est-ce qu'il y a une décontraction par rapport à l'écriture, en tout cas une plus grande simplicité par rapport à l'écriture aujourd'hui dans Louise en hiver? Oui, c'est difficile. Pascal Vimney a essayé de trouver le lien qu'il y avait entre tous mes films. Donc je pense qu'il y a... Il est assez content de sa tentative, mais moi je suis incapable de m'en rendre compte. Il est certain qu'il y a des choses qui passent d'un film à l'autre. Mais à chaque fois, pour moi, c'est une aventure complètement différente. C'est d'abord une aventure de production. Et donc, et puis, j'ai la volonté, quand je... prépare un film, d'oublier complètement tout le reste, et j'ai vraiment l'impression que c'est mon premier film, ma première histoire, etc. Je suis très long à prendre connaissance de mes personnages, et donc c'est un moment d'isolement complet. Et c'est curieux, en effet, ce que vous dites, mais je pense que c'est soit c'est le hasard, soit il y a dans l'air des besoins ou des ondes comme ça qui passent entre les artistes qui ont peut-être un peu plus envie de nostalgie, de réflexion sur le temps, sur donc la solitude, etc. Et puis comme on travaille tous sans communication, en fait, on est chacun dans notre coin, pendant des années pour eux. Le hasard veut que nos films sortent presque en même temps. Et donc, ils reflètent, comme on a mis sans doute à peu près le même temps les uns et les autres pour préparer, écrire, faire les films avec les difficultés de production que tout le monde connaît. La rencontre est encore plus... absurde et étonnante. Est-ce que si je dis, alors je ne ferai pas forcément de rapport entre tous les longs métrages, mais en tout cas dans Louise en hiver, il y a un... retour n'est pas un beau terme évidemment, mais en tout cas il y a, oui, quand même, surtout par rapport à La Demoiselle et le violoncelliste par exemple, en tout cas esthétique et visuelle, et d'amener peut-être, là on voit un petit bout de cet extrait, enfin les images de La Demoiselle et le violoncelliste par exemple, d'avoir cette esthétique-là dans ce long métrage-là. Qu'il n'y avait pas forcément, qu'il y avait eu dans Gwen, qui était on l'a entendu ici. Alors là, une aventure très particulière, hein, Gwen. C'était un autre temps, on va dire, mais qu'aujourd'hui, dans voilà, cette envie-là, à travers une animation peut-être plus simple. Oui, mais en prenant de l'âge, on retrouve un goût de la simplicité. Hein. D'abord, on a moins envie de se casser la tête avec plein de personnages et des équipes très importantes. Donc, pour moi, tout ça, c'est quand même du passé. Et donc, ça se fait naturellement, ça, je pense. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de liens avec Gwen. Ben oui, il y a des liens esthétiques. Mais il y a aussi des liens narratifs, il y a cette sorte de décharge notamment. Il y a tous ces objets qui sont aussi abandonnés que Louise. Oui. Et j'ai vu des images qui m'ont vraiment fait forte. Et en plus, ce sont des objets abandonnés dans du sable. Oui, voilà. Mais bon, ça vient naturellement. Ça, alors des fois, je triche. Je me dis, tiens, mais c'est pour moi, c'est un petit private joke, je vais rajouter un violoncelle sur la plage, mais c'est la seule coquetterie que je me suis permis volontairement. Les autres sont complètement involontaires. Mais c'est drôle, puisque Antoine Lopez, encore lui qui est là, parlait d'une bombe par hasard, donc un autre court-métrage, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on va, alors la Gwen, mais pas mal vers les courts-métrages aussi. Avec ce film-là, on revient. Et je me rappelle qu'une fois, dans une interview, tu disais que le court-métrage était la forme la plus appropriée pour faire de l'animation. Oui, bien sûr, oui. Enfin, pour moi, dans mon petit panthéon personnel, donc les plus beaux films d'animation sont des courts-métrages. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je ne fais pas des longs-métrages pour faire des films aussi beaux que des courts-métrages. Ça pourrait être une ambition, mais c'est pas mon cas. Hein. Moi, je suis plus dans l'histoire que dans l'image, je crois. C'est pour ça que Pascal a réussi, alors que mes films sont tous dans des esthétiques assez différentes, il a réussi à trouver comme ça un cheminement, une cohérence. Tu prends du temps avant de comprendre les personnages. Oui. Quoi, ça veut dire les dessiner énormément, les imaginer, à un moment donné tu manges et les imaginer à côté, enfin c'est comment ça se passe? Ça veut dire les connaître, et c'est pour ça que je fais immédiatement, dès que j'ai mon histoire à peu près cohérente, je fais immédiatement un travail de découpage dessiné du film, ce que j'appelle mon animatique sauvage. Donc au lieu de faire des storyboards ou des scénarios, c'est-à-dire des choses structurées et cadrées, je travaille avec la liberté la plus totale. Donc tu connais ma façon de bosser. Donc c'est ça, c'est quand même pour vous rappeler, c'est des grands dessins où d'un seul coup tu vas zoomer, enfin où tu vas réfléchir sur le cadre à l'intérieur même de... je travaille sur des grandes feuilles, mais je n'encadre pas mes dessins. Je suis incapable de dessiner maintenant dans un cadre. Alors, donc, je fais l'inverse, je fais le cadre après avoir dessiné. C'est-à-dire, je photographie mes dessins, ensuite je les monte. Ça fait une sorte de maquette sauvage, quoi. Mais avec tous les dialogues, quand il y en a, ou tout le texte, même si je dois le faire moi-même parce qu'on n'a pas encore les moyens à ce moment-là de la production d'enregistrer des comédiens. Et puis de la musique aussi, musique provisoire, musique classique que je prends dans ma discothèque. Mais j'ai ce travail qui est très long, qui va me prendre un an, me permet de mieux connaître mes personnages. C'est-à-dire, quand j'arrive à la fin de mon film, dessiné comme ça, je les comprends mieux. J'ai fait connaissance. Sébastien, toi, tu disais, donc pareil pour La jeune fille sans main, c'était comme un storyboard sauvage de... Jean-François, c'est... Oui, c'est plus au niveau des plans. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y avait du layout, mais il n'y a pas de cadre dans le layout. C'est du layout libre et après, je viens recadrer dedans. Mais ça, c'est pour tous les plans du film. Et je trouve que ça donne une grande liberté, donc je comprends tout à fait cette manière de faire. Et est-ce que toi, tu fais tes propres voix? Parce qu'il a une des premières animatiques dans l'univers, c'est la voix de Jean-François qui parle. Est-ce que toi, tu faisais aussi tes voix? Oui. Hein? Mais d'ailleurs, je le fais parce que je sais que Jean-François le fait. J'ai entendu cette histoire. Et oui, j'ai fait beaucoup de voix. Comme j'écris les dialogues au fur et à mesure de l'avancement du film, voire jusqu'à la fin, parce que donc le film est toujours en train de s'écrire alors qu'il est en post-production, J'ai écrit des dialogues jusqu'au dernier moment, en fait. Et donc, oui, je les enregistrais sur le téléphone, et ça, c'est très pratique. Ouais. Ça permet d'aller assez vite et de les mettre tout de suite. Donc, les plans qui étaient muets sont devenus dialogués, et vice-versa. Et est-ce que les rencontres avec vos acteurs, Agnès Demoussy, pour toi, Dominique Fro, Dominique Fro, pour toi, est-ce que là, ça d'un seul coup, ça emplit aussi le personnage différemment? C'est-à-dire que d'un seul coup, vous dites, ah, là, je devrais peut-être lui donner cette intention-là, ou au contraire, vous êtes très, vous les cadrez en disant non, alors mon personnage, il est comme ça, et comment vous dirigez vos acteurs, Jean-François? Comment tu l'as... Oui, la rencontre avec Dominique Fro a été assez rapide. Hein. C'est-à-dire, j'avais quand même fait mon animatique, et puis j'ai rencontré, et j'ai pensé que, alors que la différence physique entre mon personnage dessiné et la comédienne était absolument abyssale, par contre, sa voix allait apporter un côté plus fantastique et lui donner un peu plus de caractère sauvage, justement, pour la résistance de cette femme dans la solitude. J'ai pas changé le dessin, mais j'ai changé la couleur des yeux. Je lui ai fait des yeux foncés au lieu de faire. Je lui avais fait des yeux clairs comme ma mère, et puis donc j'ai fait des yeux noirs, et c'est à peu près la seule chose. Tu parles un peu plus dans le micro, pardon. D'accord. Merci. Et toi, donc la rencontre, est-ce que c'était pareil, des acteurs que tu voulais depuis un bout de temps, ou non? Moi, Anaïs de Moussier, je ne la connaissais pas. Enfin, je connaissais son travail. J'avais notamment été très frappé par Bird People, le film de Pascal Ferrand, que j'ai trouvé d'une grande liberté. Et j'ai beaucoup aimé cette actrice. Moi, donc, je vivais avec ce personnage. Tu parlais de bien connaître ces personnages. Donc, moi, ça faisait 10 ans que je vivais avec ce personnage, qui était un personnage absolument muet. Je suis assez nul pour les voix. C'est toujours ça très compliqué. Et je voulais travailler quand même avec des comédiens, donc justement très professionnels. Et j'ai fait un casting de voix, c'est-à-dire que j'ai pris dans des bandes-annonces, dans des extraits de films, 8 jeunes comédiennes du cinéma français, voilà, et j'ai collé leur voix, puis j'ai fait une synchronisation des lèvres, et puis j'ai montré ça à deux personnes, mon producteur et ma femme, et les deux m'ont dit « elle, c'est la voix de la jeune fille », et c'était Anaïs de Moustier. Et c'est vrai que quand elle est venue, les premiers enregistrements qu'on a faits, ce sont des respirations, puisqu'elle lave son linge. Et là, quand elle a commencé à respirer, que j'ai entendu ma jeune fille que je connais, que je dessinais depuis 10 ans, respirer, c'était incroyable. Incroyable. Voilà, et ça, c'était la rencontre avec Anaïs. Et pour Jérémy, je pensais à lui. Je ne savais pas qu'ils étaient ensemble. Et voilà, je trouvais que sa voix était très douce. Et je voulais une voix très douce pour le prince. Bon, voilà, et puis après, c'est des désirs de travailler avec certains comédiens. Elina Levenson est une amie et c'est une égérie. Enfin, voilà, c'est vraiment ça a été une muse pour moi pendant longtemps. Françoise Lebrun, c'est évidemment une personnalité extrêmement importante du cinéma, du théâtre. Et voilà, je voulais travailler avec ces personnes-là. Quand on parle d'écriture, vous avez tous les deux personnalités bien différentes. Toi, Jean-François, non seulement tu écris des romans, donc les mots, l'écriture, elles sont importantes, donc pas pour toi, elles ne sont pas, au contraire, tu l'as dit même dans Regardez Oana. Il y en a, mais comme tu nous le disais, il n'y a pas forcément d'écriture en mots. Et le film est écrit, dessiné, enfin voilà, c'est plutôt ça. Comment s'est passé le début de Louise en hiver? C'était une histoire que tu avais L'origine est assez lointaine. C'était une nouvelle que j'avais écrite dans les années 80, le début des années 80. Et je la gardais de temps en temps dans ma tête en me disant si un jour j'arrive à me décider à faire de la fiction, c'est ce personnage que je prendrais. Donc ça restait un projet de prise de vue réelle. Et puis, ce qui aurait pu être le cas d'ailleurs. Et puis plus récemment, après le tableau, enfin même au milieu du tableau, parce que je travaille toujours sur un autre film quand il y a un film qui se fait, parce que ça se fait avec tellement de difficultés qu'au milieu de la production, on trouve un peu de temps. Et puis c'est assez sain de se débarrasser du travail en cours pour se projeter dans d'autres choses. Donc à ce moment-là, j'ai dit, bon, bah, tiens, je vais faire ce film ensuite. Et ce qui m'a surpris en voyant Louis en hiver, c'est en effet, dans les longs-métrages, on oblige et souvent à avoir des... Voilà, des... Ça y est, j'ai perdu le mot au moment où je le dis, mais parce qu'il y a le mot anglais qui... Dis-le en anglais. Mais même le mot en anglais mais non, mais des péripéties, on va employer un mot qui n'est pas... Mais il faut vraiment qu'il se passe toujours des choses et on a toujours peur de perdre le spectateur, surtout dans le cinéma d'aujourd'hui. Et en effet, Sébastien le disait bien, en fait, on a... là, dans tous vos films, finalement, pas d'obligation, voire même, je veux dire, alors, encore plus dans vos deux films, et peut-être dans le tien, même presque plus que dans La Tortue Rouge, l'idée d'une vie qui s'écoule comme ça, en tout cas du temps qui s'écoule, et sans forcément s'obliger à se dire, là, il faut que j'ai... Un climax. Voilà, c'est ça, là, il faut absolument qu'il y ait un climax. Sébastien, c'est quelque chose dont tu t'es posé la question souvent, en disant, non, oui. Là, il faut, oui. Tant pis, c'est pas grave. Ça, non, mais moi, c'est l'adaptation d'un conte. Dans le conte, il n'y a pas de dramaturgie. Il n'y a que de la métaphore. Et c'est vrai qu'au moment où on a écrit la première, toute première adaptation, donc avec un vrai scénario, là pour le coup, on s'est posé cette question-là. Donc il y a des éléments. Alors je suis un peu le cul entre deux chaises en fait par rapport à ça, parce qu'il y a des éléments qui sont dans le film et qui ne sont pas dans le conte, notamment la réintervention du diable à la fin, alors que le diable disparaît complètement au milieu du conte, et c'est justifié. Certains autres éléments comme ça, par exemple le prince qui revient au moulin d'origine, voilà, ça c'est pas dans le conte non plus. Et j'ai plus travaillé sur l'idée d'un cycle. Il y a le cycle de la rivière, c'est la même rivière, on remonte à la source et puis l'eau s'écoule comme ça, et puis il y a le cycle qui est lié au moulin. J'en ai fait un moulin à eau, alors que dans le conte c'est un moulin à vent, et dans la pièce d'Olivier Py aussi c'est un moulin à vent. Mais c'est un film qui reste sans éléments dramatiques forts. C'est plus des éléments métaphoriques. Jean-François, toi, pour Louis en hiver, parce que alors là, c'est vraiment... Enfin, on ne sait plus si des fois... Et puis, je crois qu'on abandonne l'idée de savoir si on est dans un rêve, si la mise est là, plus là, si elle est... Enfin, voilà, on la suit comme ça. Et il n'y a pas eu un moment donné où Jean-Pierre Lemoulin ou quelqu'un, ou un producteur a dit, bon, là, il faudrait que tu nous mettes quelque chose de plus... Oui, ben c'est le problème du rythme du film, du timing du film. Quand on est dans un court-métrage, je sentais que j'avais plus de liberté. Je pouvais prendre du temps parce que je me dis, bon, ben, si les gens s'embêtent, ça ne sera pas trop long. Au bout de quelques minutes, on va passer à autre chose. Et j'ai continué avec cet esprit-là dans Gwen. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un problème de densité dans le film. Ce qui fait qu'après, je suis parti, donc aussi pour des raisons financières de survie du studio, de la fabrique, dans une direction complètement différente avec Le Château des Singes, c'est-à-dire un scénario. J'avais un co-scénariste... très professionnel, qui avait travaillé aux États-Unis, enfin bref. Et tout ça dans le but de faire un spectacle un peu pour enfants aussi, ce qui était une nouveauté pour moi, mais qui soit dynamique. voilà. Et puis après, j'ai retrouvé beaucoup plus de liberté. Et là, encore plus, c'est-à-dire maintenant, cette liberté, je la revendique absolument, c'est-à-dire je fais ce qui me semble convenir au film au niveau du rythme. Et avec l'expérience, je crois que j'ai un petit peu plus de pif pour sentir à quel moment ça retombe un peu. Mais j'ai la musique, le texte, etc. Donc je sais que je peux garder une tension et que je n'ai pas besoin de faire un accident. Est-ce que il y a des choses qui sont étonnantes, parce qu'on pourrait, dans d'autres films, enfin le fait que le chien parle, enfin moi en tout cas je sais, hein, dans d'autres films on pourrait dire, oh, c'est encore un animal qui parle, en plus il a, oui. C'est ta voix. Est-ce que c'était voulu dès le départ que ça soit ta voix dans le... Non, pas du tout, ça s'est fait comme ça. Moi j'aime bien faire des voix, voilà, c'est tout. Mais... Tout ça n'a pas de volonté par rapport à ce qui se fait ou par rapport à ce qui ne se fait pas. Je vois très peu de films, Et je reste dans ma bulle pendant très longtemps. Et donc, c'est pour ça que j'étais ému, un peu angoissé l'autre soir, parce que c'est la première fois que je me disais peut-être que les gens vont s'embêter, ou je sais pas, l'inconnu total. On passe d'une falaise en Bretagne, on écrit, on travaille, c'est ça, on est tranquille, là, une Ah, salle bah oui. pleine d'un seul coup. Et Ah oui, c'est comme tu bien. disais à la fin, c'est plus mon film, c'est le vôtre, en se disant, bon, on verra bien. Voilà. Ouais. Quand est-ce qu'il a été terminé, Louise? Oh, il a été terminé en plusieurs. Comme tu le Non, mais sais, ça vraiment se terminé, terminé. Tu sais, je vais te laisser ça, regarde. Comme ça sera plus simple, comme ça tu ne vous embêterais pas avec. Et puis tiens, Oui. voilà, comme ça, voilà, tu t'embêtes pas. Ben, il était terminé. Il s'est terminé 3 heures avant la projection. D'accord, ok. Parce que C'est ce que je voulais savoir. on avait un problème technique, un DCP qui avait eu un accident. Donc l'angoisse, elle était. Bref. Mais c'est vrai que c'est une sensation assez étonnante. On passe un temps fou. Je ne sais pas combien vous étiez sur Louise en hiver, mais on est voilà. Moi, j'étais donc dans une toute petite équipe, et le film a été terminé 2 jours avant la projection au studio des Ursulines, et 5 jours avant la projection à Cannes. Et quand je me suis retrouvé à Cannes, c'était très étrange. D'un coup, j'avais même prévu de retoucher le film après la projection à Cannes. Et puis, une fois que j'ai vu que les gens l'avaient vu, je me suis dit, bah non, ça y est, c'est foutu, quoi. Donc on va te laisser vivre, et puis voilà. Je vais vous laisser dans 2 minutes, évidemment, pour vous poser des questions, comme d'affaires, puisque vous êtes si présents. On parlait d'écriture, il y a eu beaucoup, vous êtes connus tous les deux aussi, alors toi, Jean-François, évidemment, il y a pas mal de longs métrages, mais quand même par rapport au court métrage, de manière vraiment très, très simple, enfin en tout cas didactique presque, la grande différence entre l'écriture court et l'écriture long métrage, pour vous, selon votre expérience personnelle. Sébastien, et on laisse. Non, mais moi j'ai pas l'impression d'avoir fait un long métrage en fait. Parce qu'il a fait exact, il a été fait exactement dans les mêmes conditions qu'un court, à tous les niveaux. Donc je suis très étonné de me dire que c'est un film qui fait 75 minutes. Pour moi, c'est un film comme les autres. Et donc l'écriture a été faite. Comme Jean-François, j'ai fait des films différents. J'ai fait des films beaucoup plus scénarisés. J'ai fait des films avec des vrais storyboards et tout ça. Et puis des équipes, même si j'étais toujours assez réduite. Mais c'est toujours quand même des films très artisanaux. Voilà, c'est fabriqué avec 3 francs parce que moi j'ai du mal à peut-être que ça changera, mais pour jusqu'à présent, j'ai du mal à me dire que je vais, même avec une équipe, faire des films dans lesquels il y a des choses que je ne suis pas capable moi-même de réaliser. Donc, c'est des films faits à la main comme les cours. Donc, il n'y a pas de différence, mais je sais pas, il n'y a pas tard. Ben, Sinon, on va ils parler font des films avec leurs voilà, mains aussi. c'est du court, de long. Ben, juste après, on va C'est évidemment parler des tout films. ça. En ce qui me concerne, c'est des films toujours bricolés, quoi. Jean-François, toi, par rapport. Je sais qu'il y a aussi l'idée de passer au long pour raconter des histoires plus longues, peut-être pour plus développer certaines choses, des psychologies. Oui, il y a eu un moment où j'avais besoin d'avoir un peu plus de temps pour raconter mon histoire. On n'entend pas. Ah, il Bah, faudrait faut plus. être Je, je, un peu plus fort le micro. ouais. Ouais, mais peut-être un Faut peu se plus fort. coller, faut se coller. Voilà, comme ça. Non, ça va? Ouais, je pense qu'en mettant. Ouais, je Et vais bah là, on reprendre va l'autre passer. Prends celui-ci, Oui, il marche très bien. oui. Ouais. Oui. Ah bah voilà. Bon, bah voilà. Merci. Non, dans mes courts-métrages, je n'avais pas de problème d'écriture, c'est-à-dire il y avait pratiquement une demi-page écrite, vraiment, voilà. Quand j'ai ressenti le besoin, en effet, d'avoir du temps, c'est parce que j'avais des histoires plus riches. Et des personnages plus ambigus. Ça ne veut pas dire que. Oh, j'ai du mal à. Faudrait me relancer sur cette idée de court-métrage et de long-métrage, parce que c'est une séparation que j'ai faite aussi pour ne plus être seul. Oui, c'est ça, c'est le. À l'époque, quand je faisais des courts-métrages, donc il y a quand même longtemps, hein, c'était les années 60-70, il y avait assez peu de moyens pour constituer une petite équipe, donc c'était la solitude absolue. Et puis, Gwen, c'est vraiment la première tentative de travailler ensemble. Et puis de voilà. Ça, c'est un moment où ce n'est pas une obligation de passer dans les trages. C'était vraiment une envie. Enfin, là, aujourd'hui, oui, c'est absolument. Pas une obligation loin de là, mais il y a de plus en plus de dire bah, tiens, les techniques nous permettent quand même de passer dans les trages, de raconter. Là, il y avait vraiment l'envie d'un seul coup de se dire bon, allez, je passe à un autre format, quoi. Oui, oui, voilà. Donc, Gwen, c'était la toute petite équipe. Hein. On était 6 pour faire le long métrage. Ce qui n'est pas beaucoup. Ensuite, c'était la grosse équipe, le Château des Singes, on était 300. Et puis, pour Gwen, on était 10, 12. Quoi. Oui, d'accord, oui. Et ensuite, le tableau, aussi un peu plus gros. Le tableau, l'équipe moyenne. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une décontraction par rapport, tu disais tout à l'heure, à l'animation dans ce film-là. Se dire, bah, voilà, l'animation, les personnages en 3D, beaucoup de gens pourraient dire, bah, tiens, pourquoi il y a déjà ça dans le tableau, et qui a à côté de se dire je raconte une histoire. Et ce que dit Sébastien, d'ailleurs, ça rentre vraiment en concordance en disant bah, voilà, moi je fais l'animation, j'espère qu'elle va plaire, mais j'ai envie aussi de raconter des choses, de vous mettre dans un univers, ou vous rentrez dans cet univers ou pas, et sans prétention. Enfin voilà, juste c'est le plaisir aussi de cet univers. De raconter. Alors, avec le temps, la technique a beaucoup évolué pour ce qui concerne la 3D. Donc, une technique que je détestais il y a 15 ans, maintenant je le trouve vraiment très bien, notamment pour l'animation. Et dans ce film, je me suis attaché à prendre le temps du geste et la précision du geste. On peut faire des choses extrêmement fines maintenant avec cette technique, alors que je pensais au contraire que c'était une technique plutôt dynamique. Alors, est-ce que vous avez des questions? Et évidemment, Sébastien, tu peux poser des questions aussi, si tu en as. Vous avez des questions à Sébastien, enfin, plein de questions. Bonjour, j'ai une question pour vous, monsieur Leguini. Il me semble que lors de la projection de Louise, vous aviez dit que c'était l'un de vos films les plus intimes. Oui. Et j'aimerais bien savoir si vous pourriez en parler un peu plus sur ce sujet. Merci. Oui, ben, c'est le sujet, naturellement, la solitude. Et je trouve que j'avais écrit un peu cette histoire en pensant à ma mère, tout simplement. Donc c'était même facile pour moi de me référer à un personnage qui existait vraiment. Et puis des souvenirs d'enfance, la petite fille chez sa grand-mère, c'est ce que j'ai vécu aussi peu après la guerre. Donc c'était en effet très intime, et l'intimité, je l'ai développée donc dans le temps de préparation du film, qui était très long, donc très solitaire. Ensuite, la petite équipe de Jean-Pierre Lemoulin, qui était en même temps proche de chez moi. Enfin, il y avait tout pour faire un film intime. Il y a une relation, je trouve, assez étonnante avec... la vieillesse, à un certain moment donné de la vie qu'on a rarement dans les longs métrages d'animation. Souvent, c'est des personnages incarnés qui d'un seul coup vont rencontrer un petit personnage ou un enfant qui va d'un seul coup leur redonner le goût de vie. Bon, ce genre de choses un petit peu très très très cliché. Et là, on a un personnage qui vit sa vie tranquillement, on va dire. Et, enfin, voilà, je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation, mais je trouvais ça étonnant de se permettre oui, ça. Oui, mais ce qui m'a aidé, c'est que j'ai l'âge du personnage, donc je peux m'identifier maintenant totalement. Autre question dans la salle. Bonjour, donc une question pour Louise Anglière. J'ai beaucoup aimé votre film, parce que c'est vrai que dans les films actuels, notamment les films d'animation, on a des histoires qui se basent beaucoup sur des rebondissements, il faut que ça aille vite, et puis il faut que le spectateur ne s'impatiente pas et reste accroché au film par beaucoup d'actions. Là où moi, au final, je m'ennuie souvent. Et dans votre film, aussi dans le film de Sébastien Lodenbach, mais un peu différemment parce que c'est un but, dans votre film, je trouvais qu'enfin le scénario nous laissait le temps de s'attacher au personnage. Et je ne me suis pas ennuyée une minute parce que vraiment, on est dedans et on a envie de suivre ces toutes petites péripéties. Alors ma question porte justement sur les scénarios, puisque c'est vous qui avez écrit l'histoire, à savoir si vraiment vous avez écrit le scénario comme ça vous est venu en continu, ou si vous avez vraiment pensé d'abord l'histoire de manière globale, de façon assez construite, et qu'ensuite vous êtes venu la détailler, l'enrichir. Oui, je dois vous avouer que j'ai eu des difficultés pour adapter la nouvelle que j'avais écrite. La nouvelle était assez courte et elle était cohérente parce qu'il y avait un début d'explication à sa solitude. Et c'est quelque chose que j'ai enlevé ensuite du scénario pour coller davantage au thème de la vieillesse. C'est-à-dire que les différentes pistes que Louise explore pour essayer de s'expliquer son abandon, ce sont des fausses pistes. Donc elle en explore trois principales, et elles sont toutes aussi absurdes les unes que les autres, mais c'est ce qui va lui permettre de vivre et de se renforcer. Et il n'y a qu'à la fin qu'on comprend qu'elle a fait le tour. Et puis voilà, donc les choses sont vraiment réglées. Donc il n'y a plus besoin, en effet, d'explication finale. Les gens reviennent dans la station balnéaire de façon tout à fait naturelle. Donc ils sont partis, ils reviennent, etc. Et puis elle a vécu et elle va continuer à vivre. Je ne peux pas vous dire grand-chose de plus. Mais je suis comme vous, je m'ennuie beaucoup dans les films trépidants. Je ne supporte pas. Je me rappelle avoir été voir un film de Pixar il y a quelques années. Avec Annick, on est sorti au bout d'une demi-heure. On commençait à s'ennuyer. Donc, voilà. Oui, Non, mais ah oui, donc il marche vraiment pas du tout. Par rapport à cette histoire des films d'action, je suis tout à fait d'accord avec vous, ayant des enfants, qui, notamment un grand qui aime beaucoup les films Marvel et tout ça, ça m'arrive d'en voir, et je suis sidéré à quel point ce ne sont pas des films d'action, en fait. Ce sont des films de mouvement, ou des films qui gesticulent. Et c'est-à-dire que l'action n'est pas construite, et ça va tellement vite, ça va très vite, mais ce n'est pas tellement le problème de la vitesse, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu dans ces actions très souvent. Et c'est vrai que dans un film comme Louise en hiver, il y a beaucoup plus d'enjeux que dans un film Marvel. Et est-ce qu'il n'y a pas la peur, parce que c'est pareil, de soi-disant que le spectateur peut s'ennuyer, alors que est-ce que, c'est pas pour deux réalisateurs, c'est pas bien des fois que finalement aussi que le spectateur puisse, on pas s'échapper, mais voilà, habiter le film et pas forcément être tout le temps prisonnier, on va dire, du visionnage du film. C'est-à-dire, là, il faut absolument que je vois tout. Et moi, je sais que des fois, il y a des films et j'aime bien ça. Je me repose un petit peu, puis je reviens, puis je. Voilà, il y a une vraie relation au film quelque part. Oui, mais ça, c'est justement une grande évolution du film d'animation, je trouve, aujourd'hui. C'est-à-dire que. On laisse plus de liberté aux spectateurs. Voilà. La liberté, c'est ce qui est le plus important pour nous qui écrivons des histoires. Et au lieu de se dire, aïe, aïe, aïe, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un spectacle qui marche bien, on sait que ce ne sont pas des films qui vont faire des millions d'entrées. Ça n'est pas le problème. Le film n'a pas coûté très cher. Il a coûté combien ? J'en sais rien. Mais je crois que c'est vraiment pas beaucoup. Et puis, c'est le problème du distributeur, peut-être qu'il s'arrache les cheveux en ce moment en se disant comment je vais faire. Mais on peut rien pour lui. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Bonjour, Louise. Bonjour. Sauf erreur de ma part, vous avez commencé par un court-métrage en prise de vue continue avec des comédiens. Et puis là, vous venez de dire que Louise en hiver, comme vous l'avez écrit, vous l'aviez pensé peut-être pour avec des comédiens. C'est quelque chose qui vous titille toujours Oui, je pense que j'aurais plus l'énergie pour faire un film de prise de vue réelle, parce que j'ai assisté à des tournages de fiction, c'est vraiment de la folie furieuse, hein, pendant 6 semaines, bon... Les gens de la fiction disent la même chose des gens qui font de l'animation, ils disent oui. « Mais vous êtes dingo !» Comment vous avez la patience? Là, c'est pas de la patience, c'est de la folie. Donc, non, c'est terminé pour moi, la fiction. Merci. Mais est-ce que moi je peux vous poser une question ou te poser une question? Il y a une dimension dans tous ces films très très cinématographique et où effectivement on pense beaucoup à du cinéma de prise de vue continue. Et je voulais savoir si dans le panthéon des films de Jean-François Laglioni, est-ce qu'il y a beaucoup de films d'animation ou est-ce qu'il y a plutôt des films avec des comédiens? Oui, c'est vrai. Bon, d'abord, j'ai l'impression de faire du cinéma. D'abord, je fais des films. Avant de faire du dessin, je fais du cinéma. Bon, je fais du cinéma avec des dessins, mais c'est la façon dont c'est construit, monté, mis en scène, cadré, etc. C'est ma culture, c'est celle du cinéma, même cinéma américain de préférence. Et voilà, donc mes panthéons, c'est le burlesque américain, c'est des grands réalisateurs. Je parle souvent de John Huston. Qui confronte, parce que moi aussi, il faut que je place mes personnages toujours dans des rapports avec la nature assez surdimensionnés. Voilà. Profitez-en à John Huston, il y a une rétrospective à la Cinémathèque française, pour ceux qui sont à Paris. Ouais. Voilà, c'est... J'avais une autre question. J'ai pas compris la question, excuse-moi. Que tu avais écrit d'abord pour essayer de... Ah oui, de bah, parce qu'à un moment, je me suis dit que c'était plus simple, parce que ça pouvait coûter moins cher aussi, qu'on pouvait peut-être faire un film avec des comédiens pour un coût moindre qu'un film d'animation. En tout cas, tel que celui-ci était prévu au départ dans sa première version, et donc, oui, il coûtait entre 4 millions, 5 et 5, et 5 millions. Comme ma femme, elle fait des films... avec des acteurs, et que j'ai travaillé beaucoup avec elle, j'écris beaucoup de scénarios avec elle, on en a écrit 3 déjà, de scénarios de long métrage, et que je suis en fait plus en contact avec des producteurs qui font de la prise de vue continue en long métrage que des producteurs qui font de l'animation. Donc voilà, après, dès mon premier film, Journal, on m'a dit, mais toi tu vas faire des films avec des acteurs et des films normaux, entre guillemets. Ça m'attire. Je crois ne pas forcément être capable de faire ça aujourd'hui. Et donc peut-être que je le ferai, mais à travers Chiara, en fait, qui est en train de faire ça, et que j'espère assister à ça, et la seconder, et voilà, et voir comment je me positionne par rapport à ça. Jean-François, on a parlé de la musique, du son tout à l'heure, évidemment, avec Sébastien. Toi, le travail avec la musique, puisqu'en effet, tu dis que tu mets beaucoup de musique, tu travailles déjà sur les animatiques. Oui, j'ai besoin de la musique tout de suite. Bon, je ne sais pas faire un film sans support musical. Ça m'aide à construire mon histoire. Alors, je prends... Alors, c'est assez marrant parce que j'ai envie de travailler avec des collègues, des musiciens pour une musique originale. Naturellement, c'est quand même plus passionnant. Mais matériellement, ça n'est pas possible à cette étape du film, donc j'utilise des disques de Debussy, Ravel, Janáček, et puis après le Christophe Ferral, par exemple, que tu connais bien. Quand je lui demande, bon ben voilà, je lui montre l'animatique et il me dit, bon ben je vais pas faire Debussy, hein. Ben j'ai dit, tu vas faire ce que tu peux, mon pauvre vieux. Mais il reconnaît que c'est une façon d'approcher le film qui est pleine d'enseignements pour lui. La musique, c'est un élément naturellement sentimental, et au même titre que la couleur. Bon, donc je ne peux pas aborder la couleur à ce moment-là, ça serait trop long, mais la musique va remplacer la couleur. On a parlé de culture, on va parler tout à l'heure de nos invités, la production, en fait, d'avoir des producteurs qui se permettent aussi peut-être certains risques. Est-ce que vous avez ressenti ça? Est-ce qu'aujourd'hui, toi, Jean-François, d'avoir JPL Film derrière et de se dire, bon, allez, tu fais pas tout ce que tu veux, mais en tout cas, plein de choses, et pas d'être protégé, à moins de là, mais en tout cas, d'avoir ces producteurs qui disent, d'avoir un petit grain de folie, peut-être, c'est important pour tous les deux. Ah oui, non, avec Jean-Pierre, c'était vraiment extraordinaire, parce que, naturellement, je pense qu'il a aimé la préparation que j'avais faite Il m'a dit très peu de choses. Non, je me rappelle même pas là qu'il m'ait fait une critique sur le. Si, il y a un truc qu'il n'avait pas compris. Non, je ne m'en rappelle plus. Vraiment. Si, quand même, il m'a demandé d'enlever un noyer que j'avais mis sur la plage. Mais c'était à la fin du film, le noyer était déjà en place. Et Louise passait à côté de lui sans lui prêter la moindre attention. Elle parlait de sa vie au quotidien, en marchant sur le sable, etc. Puis il y avait un noyer sur le pont. Et Jean-Pierre avait montré cet extrait du film au distributeur et aux partenaires de la télévision. Et là, ça a été unanime. Pas de noyé dans cette histoire. Bon, j'ai regretté un petit peu, mais je le mettrai dans le prochain film. Et des concessions qu'on est obligé de faire pour le long métrage, des concessions qu'on ne fait pas pour le court. Oui, voilà, oui, oui. Non, mais ce n'est pas d'énormes concessions. Justement, ce film bénéficie, contrairement au Château des Singes, ou même au tableau, bénéficie d'une grande liberté. Et on se dit, bon, bah, ce n'est pas un truc pour aller, je ne sais pas où, mais c'est un film intime, comme on disait. Tout le monde le reconnaît. Et le distributeur GBK, Marc Bonny, qui est aussi un ami, il comprend cela et il ne va pas essayer d'en faire un film pour enfants alors que ce n'est pas un film pour enfants. Donc il va essayer de présenter le film autrement, c'est-à-dire le film comme il est. Sébastien, on en a déjà parlé un petit peu, mais c'est vrai que voilà, c'est cette possibilité d'avoir. Bah, oui, non, mais c'est vrai que certainement, comme je disais tout à l'heure, Jean-Christophe Soulagion, le producteur, est fou, vraiment. Donc, les producteurs sont dans la salle de salle. Il est connu pour son enthousiasme et ses coups de gueule dans la profession. C'est quelqu'un qui m'a laissé. Mais bon, le projet était quand même. Que quand on arrive comme producteur et qu'il y a déjà 40 minutes d'animation qui ont été faites, c'est un peu singulier. Il m'a demandé de retirer certaines scènes, ce que j'ai refusé. Voilà, donc tout ce qui est. Notamment, en fait, un plan. Il m'a dit le plan où la mère lave la jeune fille, et donc il y a un gros plan sur le sexe de la jeune fille qui est lavée par sa mère. Pour moi, c'était important qu'elle fasse ça par rapport à cette idée de pureté. Il m'a dit, écoute, là, tu fais vraiment de la provoque avec ce truc. Je lui ai dit, écoute, je sais pas, peut-être que je le retirerai, peut-être que je ferai un plan de dos. Puis finalement, on l'a laissé comme ça. Et puis là, il m'a dit, bon, bah, on laisse comme ça. Puis aussi, on a vu que quand on l'a montré, notamment à un public d'enfants, il n'y a aucun souci. Donc, j'ai eu vraiment. Mais bon, c'est un film qui a coûté 200 000 euros, donc qu'est-ce que tu veux, c'est on fait ce qu'on veut, quoi. Jean-François, pour le il y a déjà un prochain film, c'est en train Louise en hiver, il y a déjà l'idée du, comme tu disais tout à l'heure, du prochain projet. Oui, en fait, j'ai travaillé pendant toutes ces années sur deux autres projets. Et je ne sais pas lequel encore va avoir la possibilité de démarrer, ne serait-ce qu'au niveau de l'animatique. Bon, j'ai commencé. Est-ce qu'il y a une dernière question, des ans, ce que je dis à chaque fois, pour Jean-François Le Guillemy, pour Sébastien Le Guillemy-Bac. Je regarde là. Toujours pas, c'est dommage. Bah, de toute façon, on meurt pas demain. Vous allez pouvoir nous croiser. La dernière. C'est pour une fille de 820. Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui de faire un film comme La jeune fille 120 qu'il y a 10 ans ou c'est juste différent, hein? Oui, je pense que c'est techniquement plus facile. Gwen, vous avez mis combien de temps? À 5, à 6? On a mis 4 ans. 4 ans. Oui. Moi, j'aurais pas pu faire La jeune fille sans main il y a 10 ans parce que, enfin, s'il y a 10 ans peut-être, mais évidemment, c'est un film fait sur papier, mais l'outil informatique aide énormément et fait gagner énormément de temps. J'aurais pas pu le faire en 81 de la même même façon. Ça, demain matin, il y a l'enfant invisible qui passe, donc qui a été fait par André Lindon seul, hein, je crois. Hein. Je ne sais pas combien de temps il a mis pour faire le film, mais beaucoup de temps, hein, je crois 4-5 ans aussi. Voilà, moi j'ai mis 3 ans, c'est pas si long, et puis avec beaucoup d'interruptions, des films de commande au milieu, etc. Donc oui, évidemment, c'est... Et je pense que ça va continuer, c'est-à-dire que je pense qu'il y aura de plus en plus de films qui vont être faits comme ça, j'espère. Enfin, vous êtes là, faites des films comme ça, quoi. Ben, merci beaucoup à tous les deux. Merci infiniment. Alors, je crois qu'on va se revoir. On va se revoir à...